Bienvenue les amis dans Happy Dance 35, l'unique émission qui vous fait découvrir chaque semaine le classement des 35 meilleurs hits EDM du moment. C'est présenté par moi-même Ismaël et comme d'habitude pendant 2 heures on est parti avec de la musique non-stop et c'est parti pour faire la fête. Mais avant de commencer, vous le savez si vous suivez l'émission depuis plusieurs semaines, et bien avant de commencer on va s'intéresser aux tubes qui étaient classés dans le classement la semaine dernière qui ont notamment quitté celui-ci cette semaine, à savoir I Love You de Sophia Carson qu'on ne retrouvera donc pas cette semaine, qui d'ailleurs la semaine dernière était classé numéro 23, c'est donc quand même une grosse chute de plus de 12 places pour avoir été écarté de ce classement, mais ce n'est pas tout puisqu'il est accompagné du deuxième single à nous quitter, c'est The Worst Enemy de Ketranada, anciennement numéro 31 dans le top 35. Allez tout de suite, c'est parti puisqu'on démarre cette semaine avec le numéro 35, comme d'habitude, c'est Road de Lane 8 et ça sera suivi juste après de Sam Felt et Sigma en featuring avec Gia Coca sur Two Hertz qui perd 5 places. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 35. Thank you. 24. Come here, darling, take your time. Let your heart open up. Choose to love, broken wild. Leaving you lost and scarred. And I could never get enough. This is Real, à l'instant, un single signé de Jack Jones et Ella Anderson dans votre émission Happy Dance 35. Et tout de suite, on continue avec quelque chose que vous connaissez bien, c'est Grease et les Subtronics sur Greasetronics qui reprend deux places. Ça sera suivi de On My Mind de Diplo et Sidepiece et One Night de MK et Sony Fodera. Hit numéro 32. We can't get enough, we can't get enough, DJ run that track there. Ooh, this shit be hitting different. Oh, it's lit. Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Hit numéro 31. We'll be right back. Et c'était donc le numéro 31 de cette semaine, à savoir Diplo et Side B sur ce single qui s'appelle On My Mind. On continue avec One Night, single de MK et Sunny Fodera en featuring avec Raphaëlla qui a lui gagné 3 places en atterrissant 30e. Et puis juste après, il y aura Holder de Shalou Hidaya et Free avec Louis The Child et Drew Love. Hit numéro 30. We go in circles, you and me. We said the same things but never what we mean. I know that you wanna play games, but not tonight, not tonight, not tonight, please. Just give me a taste, so I know I'm alive. Cause I keep dancing on the edge of the night. And we're so wrong, that it's right. Let's forget the world. Seem to be the one without. doesn't happen to everyone who wants it. 2 heures de meilleure hit musicale dance electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Les amis, ça va faire une demi-heure que nous sommes ensemble dans cette émission Happy Dance 35. Il nous reste un petit peu plus donc d'une heure et 30 minutes pour découvrir la suite du classement qui réunit les 35 meilleurs hits de cette semaine dans la musique de type EDM. Moi c'est toujours Ismaël et je continue de vous accompagner durant le temps qui reste. N'oubliez pas aussi d'aller checker les réseaux sociaux, que ce soit la page Facebook ou le Twitter de l'émission. Vous tapez Happy Dance EDM ou Happy Dance 35 EDM, vous tomberez dessus forcément. Abonnez-vous pour voir donc toute l'actualité sur laquelle je peux poster l'émission, et surtout n'oubliez pas aussi d'aller sur PodCloud et de chercher Happy Dance 35 ou même sur n'importe quelle plateforme de streaming, puisque vous pourrez retrouver les émissions tout simplement de la semaine d'avant et même celles d'encore avant, disponibles gratuitement en podcast et rien que pour vous pendant 2 heures, même plus du coup. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour, et puis tout de suite on continue le classement avec Need Your Love de Griffin et les Seven Lions. C'est le numéro 27 de cette semaine. Ça sera suivi de God Is a Dancer de Tiesto et Mabel et Rushing Back de Fume et Vera Blouf. Hit numéro 27. Under my skin, how deep I don't even know. Tried everything, but I don't anymore. Realizing, shouldn't have let you go. Shouldn't have let you go. Hardest part is knowing. Something almost perfect. We were almost perfect. Maybe it's too late for me to save this, but I gotta face this. No matter how I hate it, I need your love to give me hope when I can't breathe. I need your love to lift me up when I am weak. I need your love when I hate every part of me. I need your love. Set me free, I need your love. I need your love. Numéro 26. God is a dancer. Yeah, I heard on the radio that she always go harder, 'cause she keeping you on your toes, and she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah. Are you feeling that fire? 'Cause the music is on the way. If you wanna be higher, wanna move till the break of day. Yeah, ooh, yeah. Better go, better watch it. Ooh,

I'm running from the emptiness, but I can't escape. You're still in my head. I'm running from the emptiness, but I can't escape. Still in my head. Oh, I'm running from the emptiness, but I can't escape. Still in my head. Oh, I'm running from the emptiness. We can't go back to the way that we used to love. Beat numéro 19. Cause you know they're gonna say it anyway. Who cares if they laugh at what we do? Cause it's only me and you that know the truth. Middle finger to the sky. They don't know about you and I. We've been rolling deeper than they'll ever know. Even though I broke your heart, no, that won't keep us apart. Baby, I know, I'm not giving you up. If you want my love, les amis, ça fait une heure que nous sommes ensemble dans Happy Dance 35. J'espère que vous passez un super moment avec moi-même Ismaël pour vous accompagner durant ces deux heures où on découvre ensemble chaque semaine eh bien, le nouveau classement des tubes EDM du moment. Alors tout à l'heure, on a pu découvrir notamment deux nouvelles musiques classées numéro 22 et 21e respectivement. C'était Thérapie de Duc Dumont et Green Lights de Crayola. Juste après, on a eu l'occasion d'écouter Used to Love de Martin Garrix et Dean Lewis qui a d'ailleurs perdu 4 places. Et puis juste avant, c'était Body Bag de Griffin et Maya Ride que vous connaissez bien puisque ça fait 14 semaines que ce single est dans le top 35. Allez, on continue tout de suite, enfin plutôt je dirais d'ici quelques minutes avec le numéro 16 de la semaine. Ça sera Purple Hat de Sophie Tucker qui a perdu une position par rapport à la semaine dernière, et puis il y aura aussi Baila Conmigo de Jennifer Lopez qui à l'inverse a regagné 2 places. Mais dès à présent, c'est Falling in Love de Denise Coulson en featuring avec Andrew Loxton que l'on découvre pour la première fois dans Happy Dance 35. Avec Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Happy Dance 35. Deux heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Nouvelle entrée dans le top 35. Beat numéro 18. What do you do when your heart starts racing? And your mind don't control what it thinks at time. In the clouds and it feels like heaven. Fall asleep to a kiss that tastes like wine. But even dreaming, no, you can't escape it. Once it's over, then you can't wake.

the after joint, dancing, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people with the people on the. Sophie Tucker, à l'instant, avec son single Purple Hat, classé numéro 16 cette semaine, et qui perd une place par rapport à la semaine dernière. On continue dans Happy Dance 35 avec les 15 derniers titres, voilà, de ce classement. Tout à l'heure, on aura I Feel Love de Sam Smith. Il y aura aussi Turn Me On de Riton et Oliver Heldens en featuring avec Vula. Et puis tout de suite, vous connaissez très bien ce single, c'est In Your Arms, Illenium et X Ambassadors. Hit numéro 15. Never seen Mona Lisa close, but I seen perfection under your clothes. Yeah, we fell in love and we built a home, though we may never see the streets of Rome. And I hope it's so. C'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 14. Turn me on, healing. Baby, turn me on, turn me on. running out of that feeling. Doctor, prescribe me that drug, 'cause I need some more of your healing. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. You know just what I'm needing. Riton, Oliver Elden, c'est vu là à l'instant dans cette chanson qui s'appelle Turn Me On, classée numéro 14 cette semaine dans Happy Dance 35. Bienvenue les amis dans votre émission qui vous fait découvrir le meilleur de la musique EDM du moment en travers 2 heures non-stop. Ça fait un petit peu plus d'une heure et quart que nous sommes ensemble et c'est normal que vous en ayez pas encore marre puisque la musique EDM, personne n'en a jamais marre. Au contraire, elle ne fait que continuer et ça tombe bien puisque tout à l'heure, on écoutera Fave de Galantis et Dolly Parton avec Mr. Probs. On aura aussi Alone Partie 2 de Alan Walker et Ava Max. Ava Max, grande chanteuse pop et surtout avec de grandes coopérations en électro avec notamment David Guetta et bien d'autres DJ autres aussi que Alan Walker. On aura en numéro 12 Family des Chainsmokers avec Kygo et puis I Feel Love de Sam Smith. Ça arrive tout de suite dans Happy Dance 35. Hit numéro 13. We'll be right back.

Dance 35. Deux heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Une super chanson pour une super chanteuse, c'était Ava Max avec Alone Walker sur Alone Partie 2, chanson toujours numéro 11 cette semaine. On continue tout de suite puisqu'on rentre enfin dans le vrai vif du sujet, j'ai envie de dire, puisque ça y est, nous sommes dans le top 10 des meilleures chansons de la semaine. Et tout à l'heure, on aura la chance d'écouter Take Away des Chainsmokers qui a perdu 2 places et qui se retrouve 8ème. On aura aussi Cake Alors de Major Lazer qui perd une place et qui est donc 9ème. Et tout de suite, ce qui arrive, c'est Fave de Galantis, numéro 10 de la semaine. Et tout toujours à la même place. Beat numéro 10. No, the road gets hard and you just wanna leave. I ain't never too far. Just have a little faith in me. When all the fears you have, I'll be standing by your side. Just have a little faith in me. Have a little faith in me. Por favor.

drowning, like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling when I'm nowhere near the edge? Just let me know, can you be the one to hold and not let me go? I need to know, could you be the one to call when I lose control? Et vous aurez sûrement reconnu ce single que l'on vient d'écouter à l'instant. C'était Medusa avec Becky Hill et les Good Boys qui a gagné 2 places cette semaine sur le single Lose Control. Allez, on continue tout de suite avec DJ Regards et Ready, suivi de Good Things sur le part de Illenium. Hit numéro 6.

Et voilà les amis, après 2 heures de musique électro non-stop et surtout 2DM, eh bien c'est la fin de cette émission Happy Dance 35, en tout cas pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner eh bien aux réseaux sociaux de l'émission, tout simplement la page Facebook c'est Happy Dance EDM, elle s'appelle Happy Dance 35 mais vous la trouverez plutôt facilement comme ça. Et puis sinon n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter puisque c'est Happy Dance 35 EDM cette fois-ci, mais c'est pareil, vous tapez Happy Dance 35 et il n'y a pas de souci. Et si vous êtes encore plus flemmard d'aller directement sur les réseaux sociaux, eh bien je vous invite directement à aller écrire sur Google Happy Dance 35 et là vous aurez accès au replay des anciennes émissions directement et bien depuis le site de podcast de l'émission et son site internet. Sur ce, à la prochaine les amis pour une nouvelle émission et une nouvelle semaine et un nouveau classement. Allez, ciao bye bye, c'était Smaël au micro.